Comment peut-on être sceptique? On appelle sceptique en philosophie la personne ou l'attitude qui consiste à douter systématiquement de tout. Et on se représente le scepticisme, skepticism, comme on dit en anglais en étant plus près de la prononciation grecque, on se représente le scepticisme comme une forme avant tout d'impossibilité théorique et de malheur pratique, voire de méchanceté politique. Le sceptique, c'est d'abord celui qui est dans une contradiction. Comment peut-il douter de tout et le dire d'une manière péremptoire, puisqu'il dit « je sais que tout est faux ». Ben, il sait au moins cela, et le sceptique est toujours accusé d'un principe d'auto-contradiction, car il doute de tout, sauf de lui-même. Et de même, le sceptique est censé être malheureux, car le sceptique qui doute de tout, comment peut-il s'orienter dans la vie? Comment peut-il tout simplement survivre? Autre objection traditionnelle adressée à tous les scepticismes depuis l'Antiquité. Et enfin, le scepticisme aujourd'hui, en particulier dans nos sociétés, peut être rapproché de la pire volonté de nuire. C'est celui qui doute non pas seulement de toute chose, mais de tout le monde, et c'est-à-dire qu'il ne fait confiance à personne. C'est le complotisme. Celui qui soupçonne derrière toute assertion une vérité cachée, un mensonge. Le sceptique est donc à la fois contradictoire, malheureux et méchant. Comment se fait-il alors que dans l'histoire de la philosophie, on nous est pourtant présenté, on rencontre en réalité des sceptiques heureux. Dans l'Antiquité, le scepticisme, qui a une grande tradition, est présenté à l'égal des autres grandes écoles de philosophie comme une manière de vivre, une manière d'être heureux. Pourquoi ? Relisez l'anthologie ancienne au PUF sur les sceptiques grecs. Vous comprendrez que les anciens sceptiques doutaient de tout d'une manière si radicale. Évidemment, ils ne se faisaient pas confiance à eux-mêmes et, par ailleurs, ils doutaient de la réalité du mal qui les affecte comme tous les autres philosophes antiques. Je crois que je souffre ici, mais est-ce que cette souffrance est vraiment un mal absolu? Est-ce que je ne suis pas en train d'ajouter un jugement sur le mal dans la souffrance peut-être indubitable qui me frappe? Est-ce que je ne suis pas en train d'ajouter un jugement douteux? Est-ce vraiment un mal? Le monde est-il vraiment mauvais? Je n'en sais rien. Le sceptique suspend radicalement son jugement. Et pour les sceptiques anciens, c'est une condition du bonheur. Alors évidemment, on nous dit, mais il faut vivre quand même. C'est ici que les sceptiques modernes de Montaigne, en France, à David Hume, en Angleterre, nous disent, je doute de tout, mais je continue à vivre et même je me base uniquement sur l'utile et le nuisible et donc je ne fais de mal à personne. Et enfin, le vrai scepticisme ne consiste pas à soupçonner tout le monde de mentir, mais au contraire à suspendre son jugement jusqu'à ce qu'il y ait une démonstration et un accord entre les misérables, faillibles humains que nous sommes. Le scepticisme vrai est donc peut-être une véritable école de philosophie. Il ne faut certainement pas s'en tenir là. Je ne suis pour ma part nullement sceptique sur les orientations profondes de l'humanité, mais il faut opposer le scepticisme profond au malheur, à la méchanceté et à l'auto-contradiction auxquelles on vise à le réduire.